Violon d'adieu par Émile Néligan. Vous jouiez Mendelssohn ce soir-là. Les flamèches balçaient dans l'âtre clair, cependant qu'au salon, un abat-jour mêlait en ondulement long ses rêves de lumière au châtain de nos mèches. Et triste, comme un bruit frissonnant de fleurs sèches, éparses dans le vent d'espéral du vallon, les notes sanglotaient sur votre violon, et chaque coup d'archet trouait mon cœur de brèche. Or, devant qu'il se fût fait tard, je vous quittais. Mais jusqu'à l'aube errant, seul, morose, attristé, comptant ma jeune peine au lunaire mystère, je sentais remonter, comme d'amers parfums, ces musiques d'adieu qui scellaient sous la terre et mon rêve d'amour et mes espoirs défunts. C'était Violon d'adieu par Émile Néligan.